Good boy, I beg you, let me live like that. Oh boy, oh boy, me let me to whoa, watch it out. Tu passes tout ton temps, no, no, no, no. Pour faire du mal aux gens. Et tu crois qu'aujourd'hui on fera avec toi des sentiments. Faut que ça me laisse s'aimer, faut que récolter tes mains. Et accepter tout ça ou joindre la sushi main. Yes, and I hear that. Tout le monde l'aime, l'aime, l'aime, l'aime. Tout ça qu'a si porté, ni ça qui n'a pas. Honnête maman, oui, et papa. Pas venir pour vous, les gars, là. You will laisse me, nous toujours me l'amuser. Tu crois que dans la vie ça se passe comme ça? Non. Si tu n'avais qu'un coup de pas, ou prends la vie à plein bol chocolat ou quoi? Faut dire ça, là on passe les mains couillons chaque fois. Faut prendre le pas, faut arriver où la foi. Et pas venir plein de corps, mais les mains, tu vois, pour bon, c'est ça. Yes, and I like it, on l'enlève, we lay, we like that. Ça qu'a si porté, ni ça qui va. Honnête maman, oui, et papa. Pas venir pour vous, les gars. Pas tout à la ou pédé, boy, son boy. Pas tout à la ou pédé. Tout à la ou qu'est allongé à son lit. Tout à la pédé, donc qu'est pas tout souhaité. Tu passes tout ton temps à faire du mal aux gens. Et tu crois qu'aujourd'hui on fera avec toi des sentiments. Faut que ça leur s'aimer. C'est toujours plus pété. Y'a qu'à peiner baba, y'a des bédés. Comme c'est si vieux, y'a qu'à marcher pied pésé. Même si y'a un jouet dans la rue, mais trop zombie. J'en dis tout, on laisse mes mines, toujours plus vanité. C'est tout qu'à péter, les y'a qu'à ouais, ouais, on y arrive. Jalousie qu'à mener, non, ma sou, on hypocrisie. Faut nous faire l'autre comme si dit tout, bop, bop, bop, chili. Passons les filles, on est toujours plus vanité. C'est tout qu'à péter, y'a qu'à ouais, on y arrive. Jalousie qu'à mener, non, ma sou, on hypocrisie. Faut nous faire l'autre comme si dit tout, bop, bop, bop, chili. Cette fois, tu comprendras qu'on m'attaque. Mon vieux champion, c'est ce matin. Ou pour la vie, pour la bol chocolat ou quoi. Tout ça, ou New Chapia, sous mon frère là. Ma vie, faut qu'on ait pu comprendre tout ça. Mais les morts, tu vois, ou paix parce que les médicaments. Oh, bon, bon, bon, bon, bon, bon, y'a c'est ta main, et pas de mes états. Oh, bon, bon, mais les morts, tu vois. Yo, yo, si y'a un marché, ça réveille, y'a que des milliers qui piquent la parade. Y'a dans l'économie, on se lit. Pour la bol chocolat ou quoi.